Hey, Almain, je suis avec Produits Laitiers chez nous. Ils sont en train de faire tout ça, puis on se demandait si tu te tapouais, si ça tentait d'aller paintballer des bus publics, puis faire un peu de vandalisme, pocketter des sacoches de mémé dans la rue. Des choses comme ça, mais relâche un coup de fil, on est à l'hôtel. Ciao! Yo! Zeste de passer date, bandé de crabe aux phrases écrades. Presque gagné chaque compétition régionale de hockey tab. Sans pop et cap, ta mommy comme your pop is back. Mais what the fuck is that? C'est le retour du marianage. Ta copine te découpe des coupons pour nos cours de rattrapage. Mal four de la patate, on chill avec les pommes de terre. Se fait pas fourrer à la carte en recevant même pas des stars lunaires. Origami vert dans les voies nasales. L'orgie familière et familiale pendant le carnaval. Four milliards dans la cabane. Gros sirop, tu spites, aussitôt tu spites. Poudrière dans la savane, oublie jamais ta sarbacane. Piton, piton, gauss. Fais le move de la banane quand je paye sur le piton grouse. Pop le beat, les pop le mousse, les citrons jase. Après que j'ai cut avec Michael Phelps avant sa compénage, il s'est pas trompé de bord, bitch. Rap mitraillette pour toutes mes pourris dans le bac. Souris quand je parle, mes femmes ont des fourmis dans chat. Hoodie quand je rap, brise sans même porter d'or. Toutes les têtes de gland split comme se pogner la bite dans une porte de char. Skill comme un duck hunt, j'suis slick comme un motherfuck. Six, puff un blunt, j'pogne un flic, pis j'le sucker punch. Up your butt, yeah, v'là une ligne pour les homophobes. Comme un homme, j'ai pas de sympathie pour le coca-ca. Blacabla, quand je parle, j'utilise juste des homophones. What the fuck, le mot que je cherchais c'est onomatopée. Tu peux pas m'accoter, j'suis dans mon prime, j'suis pas prêt à flopper. Hey, j'suis en train de rapper, écoute-moi, cesse de placoter. Blah! Quand j'danse comme un dieu, appelle-moi chorégraphe. J'manie de papier comme Ogden, il fait de l'origami. Sois pas surpris, si c'est ton danseuse que t'entends notre shit. Que t'as chanceuse en t'entendant un disque. Yo, gosse, gosse, verse, travaille au couteau. Bouge plutôt prendre d'avance qu'un de bouteau. Twist un gyro, t'es que le verse sur micro. Si tu joues des drum break et tu seras jamais pyro. Si j'ai mal au dos, j'irai jamais chez Kiro. Puff, hydro, oui, on m'a trois pièces de l'art de fit et Lyon. Bleu de ribon, marque de brou. Tu fond du Wisconsin, t'as sorti tu pisse de poux. Pisco, c'est qu'on est plus caca, plus kissing. Tu l'écoutes, mais tu sais plus que sing. T'es fucking sous, outline pas mal flou. T'as mis à ravoir le coude quand tu vises la joue. Action, match, c'est comme maybe Watson, action. Mais tu sais plus trop de plateau et où. Léon Thor, Léon Thor, quelque part, un jeu au parc.